Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le Club de Rome et le rapport Meadows de 1972, la chronique d'une catastrophe annoncée. Si on annonce aux gens que demain matin, ça va aller très mal, mm-hmm. ils s'inquiètent. Si on leur annonce que dans un an, ça va aller très mal, ils s'inquiètent un petit peu moins. Un peu moins. Mm-hmm. Si on leur annonce que dans 20 ans, ça va aller mal, il y a seulement les activistes qui s'en inquiètent, comme dans le cas de la pollution, mm-hmm. par exemple. Et si on leur annonce que dans 50 ans, ça va aller très mal, ils se disent, après moi, le déluge. Mm-hmm. Fernand Seguin, à l'émission La science et vous, en février 1972, c'est en 1972 que le Club de Rome publie son désormais célèbre rapport « Halte à la croissance », qu'on appellera aussi le rapport Meadows. Dans ce rapport, le Club de Rome prévient le monde que si rien n'est fait pour diminuer la croissance, on court à la catastrophe. Cette idée que la croissance n'est pas illimitée dans un monde où les ressources le sont n'est donc pas une idée nouvelle. Le problème, comme le souligne très justement Fernand Seguin dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que la menace soulevée par le rapport Meadows en 1972 paraît si lointaine que rien ne va changer pendant des années, si bien qu'aujourd'hui, cette menace est devenue pressante et qu'il est peut-être déjà trop tard pour renverser la vapeur. Vous parlez du politicien disant qu'il avait des vues à court terme. Je crois que c'est vrai pour la plupart. Mais je ne crois pas que cette vérité s'applique exclusivement à l'homme politique. Je crois qu'elle s'applique à tous les hommes. Comment pourrait situer le Canada face à ses politiques à long terme? Est-ce que le Canada a une attitude de carpe diem ou une attitude beaucoup plus... Non, je pense que nous sommes malheureusement, comme la plupart des autres pays, et c'est cette conversion, je dirais, d'abord intellectuelle, j'irais même dire aussi moral qu'il faut tenter présentement. Parce que toutes les grandes civilisations qui nous ont précédées sont mortes ou ont disparu, précisément parce qu'elles n'ont pas su s'ouvrir vers l'avenir et tenter de connaître davantage l'avenir pour diriger et inspirer son action dans le présent. Et je crois que si nous n'apprenons pas ça collectivement, dans nos sociétés contemporaines, nous revivrons un grand tournant de l'histoire, à peu près comme celui qui a coïncidé avec le déclin de l'Empire romain. Le sénateur Maurice Lamontagne, membre du Club de Rome, interviewé par Madeleine Champagne à l'émission Présent en 1974, pour nous parler du Club de Rome, du contexte dans lequel sera publié le rapport Meadows par le Club de Rome, rapport sur les limites de la croissance. Je reçois l'éco-sociologue Laure Varidel, qui est professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. Laure Varidel, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier, Laure Varidel, le livre « La transition, c'est maintenant ». D'une certaine manière, ce livre-là, votre livre, c'est un petit peu la suite logique d'un ouvrage comme « Halte à la croissance », le fameux rapport Meadows. Parlez-nous de ça d'abord, de cette filiation-là, en quoi vous poussez plus loin dans votre livre ce que déjà le rapport Meadows avait posé comme base. Bien, dans les deux cas, c'est un appel à une réflexion plus systémique des enjeux, des liens à la fois entre des questions économiques, environnementales, sociales. C'est une invitation à changer les paradigmes, à se recentrer vers les besoins réels des humains plutôt que les besoins d'un système abstrait. Donc, c'est un appel, si on veut, à la transition ouais. dans les deux cas. Donc, appel, mais au fond, avec les décennies qui séparent le premier constat, le Polaroid, au fond, qu'avait fait Meadows, et vous reprenez, au fond, le même constat, mais en voyant où en sommes-nous plus tard, avec une constante qui n'a pas changé, il faut que ça change. Absolument. Ouais. Et des données scientifiques encore plus précises que ce dont on disposait en 1970, que ce soit en termes de changement climatique, de perte de biodiversité, de contamination chimique. Donc, beaucoup de ce qui avait été annoncé dans le rapport Meadows s'avère, en fait, démontré maintenant. D'autres choses un peu moins. Mais disons, les tendances générales, la nécessité de revoir notre rapport à l'environnement, notre rapport les uns aux autres, notre rapport à l'économie était déjà bien là dans le rapport du Club de Rome et l'est toujours aujourd'hui. Et malheureusement, on a l'impression de répéter un peu ce qui était dit, mais maintenant, on voit très clairement les conséquences parce que les données sont probantes et puis des gens le vivent concrètement, qu'on pense au feu en Australie, qu'on pense aux inondations à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qu'on pense à un paquet de problèmes qui sont subis maintenant un peu partout à travers le monde. Donc, la logique qui reste la même, la croissance n'est pas illimitée, il faut changer notre manière de vivre, avec tout ce que ça veut dire, de consommer, etc. Revenons au Club de Rome. Le rapport Meadows, c'est un petit peu ce qui a fait connaître le Club de Rome. En 72, le rapport est publié. Le Club de Rome est créé quelques années auparavant. Partons de là. Dites-nous un peu, expliquez-nous ce que c'est, dans quel contexte ça vient au monde, le Club de Rome, et qu'est-ce que c'est le Club de Rome? Mais en fait, ça a été initié par la rencontre de deux hommes, un haut fonctionnaire de l'OCDE, qui était un scientifique à l'époque, M. King, et un industriel qui faisait partie du CA de Fiat, notamment, qui avait une firme de consultants. Donc, il y avait plus dans le milieu industriel, si on veut, qui s'était croisé à une conférence en Europe et qui réfléchissait tous les deux qui avaient tous les deux, si on veut, une certaine vision plus systémique des enjeux et qui avaient envie d'approfondir et qui ont réuni quelques années, en fait, une année après leur rencontre en 1968 à Rome, un ensemble de gens à la fois du monde scientifique, des économistes, des industriels, des gestionnaires, des hauts fonctionnaires aussi, pour réfléchir à des enjeux globaux. Ce qui n'était pas, si on veut, dans l'actualité tant que ça à cette époque-là. Donc, il y avait ce côté novateur-là. Et assez rapidement, après cette rencontre-là, ils se sont dit, bien là, il faut qu'on mette une équipe de chercheurs vraiment plus concrètement à l'œuvre. Et c'est là qu'ils ont mandaté une équipe du MIT qui s'est alliée avec des gens d'ailleurs dans le monde parce qu'il y avait sur ce comité-là et groupe de travail-là des gens à la fois des États-Unis, de la Turquie, de l'Inde, de l'Allemagne, de la Norvège, avec des perspectives différentes. Donc, ce qui rendait le rapport et la vision si riche et si novatrice pour l'époque. Donc, c'était une invitation à sortir des silos traditionnels, des expertises très, très souvent contrainte à une vision un peu réductrice. Et vous allez entendre, on va entendre un des deux pères fondateurs, justement, dont vous venez de parler, l'Italien Aurelio Peccei, qui est un industriel, c'est lui qui travaillait donc chez Fiat. Et vous allez entendre dans cet extrait de l'émission Qui vive, en 1973, qu'il y aura bien sûr le rapport Meadows, on y vient dans un instant, on y revient dans un instant, qui va, comment dire, mettre de la chair autour de l'os, mais la vision, on est d'abord et avant tout dans une impulsion, dans une vision philosophique, et ça donnera ensuite des données compilées puis des projections plus précises. Mais on écoute Aurelio Peccei à l'émission Qui vit en 1973. On a, dans ces dernières décennies, considéré que nous pouvions faire, nous les hommes, tout ce que nous voulions. Nous nous sommes lancés dans une direction qui amène à une expansion de l'humanité, soit en nombre, soit en consommation, en production, un emploi de ressources naturelles toujours plus grandes. Et ça est dû à des bases culturelles qui sont celles de l'Occident soit néo-capitaliste, soit néo-socialiste, et qui dérivent d'une tradition judéo-chrétienne. L'homme est le maître de la terre. Toutes les ressources, tous les animaux, tout ce qu'il y a sur la terre est à sa disposition. Il peut en utiliser comme il veut. Et ça nous a amené à une situation d'orgueil, d'exploitation massive, à outrance. Et nous y croyons. C'était notre éthique, notre morale, notre supériorité comme homme, notre humanité, et qui nous permettait de faire tout ça. C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, parce que le mal, si je puis dire, est profondément ancré dans la nature humaine même, dans la culture, en tout cas occidentale, judéo-chrétienne, dit Aurelio Peccei. C'est donc lui, c'est l'un des deux pères fondateurs du Club de Rome, avec l'Écossais Alexander King. Un petit mot d'abord sur ces deux hommes-là. Qui sont-ils? Donc, c'est ça, Monsieur King était donc un chimiste écossais qui a été longtemps fonctionnaire et haut fonctionnaire partenaire à l'OCDE, alors que Aurelio Piccilli, lui, venait vraiment du milieu industriel. Et je trouve ça extrêmement intéressant d'entendre sa réflexion et cet appel à l'humilité qu'on n'entend pas nécessairement si facilement de gens qui sont à la tête de grandes entreprises où souvent la vision dominante, c'est justement celle de la croissance, de la domination. Bon, il y a un problème, on va le régler avec la technologie. Il n'y a pas, disons, c'est pas toujours naturel cette réflexion plus morale, je dirais, parce qu'effectivement, il y a un enjeu fondamentalement moral, une réflexion à avoir dans notre rapport à la nature, notre rapport avec les autres habitants de ce monde. Donc, ce regard-là critique est vraiment très... est très important. Puis c'est intéressant de voir comment ces gens-là, à cause de leur milieu, ont été capables d'aller chercher du financement, par exemple, pour le premier rapport Halte à la croissance, mm-hmm. la part de grandes fondations privées comme Rockefeller et Volkswagen. Tu sais, c'est pas ce à quoi on s'attend ouais. Aujourd'hui nécessairement, mais ils ont donc amené cette réflexion-là dans des milieux non conventionnels, ce qui n'a pas empêché un ébranlement très, très important plus tard au moment de la sortie du rapport. Oui, parce que le rapport va être effectivement, puis on y vient dans un instant, mais très, très critiqué. Mais on le comprend parce que c'est une critique profonde du système en place, qui est encore le système essentiellement en place aujourd'hui. Et puis ce qui est intéressant d'un type comme celui, comme cet industriel qui devient coprésident du Club de Rome, c'est que c'est au fond sa propre autocritique qu'il fait en disant « on ne peut plus, j'ai participé à ça, mais on ne peut plus fonctionner comme ça ». Le rapport est donc publié en 72, « Halte à la croissance ». Dans quel contexte est publié ce rapport, Laure Varidel? Bien, on est en fait vers la fin des Trente Glorieuses, hein, juste avant la crise pétrolière de 73 qui va suivre. On est sort d'une période de croissance inédite. Là. Jamais le monde, jamais on a vécu dans une telle croissance. Et dans une telle abondance ouais. matérielle pour une partie de l'humanité. Hein. Il faut bien être conscient ouais. que c'est d'abord l'Occident qui a connu cette grande croissance-là. Puis quand à cette époque-là, l'Inde et beaucoup de pays d'Asie, l'Afrique n'était pas du tout en croissance. Mais on a, étant donné notre vision occidentale dominante, c'est vraiment ce qu'on se rappelle de cette époque-là. C'est aussi l'époque de 68, hein, avec quand même une certaine remise en question de la société de consommation, des valeurs dominantes. Donc, il y a des courants, si on veut, qui coexistent et qui ne sont pas nécessairement toujours en harmonie les uns avec les autres. Mais on sent que il y a un requestionnement à différents égards, puis ce rapport en est l'incarnation, si on veut. Avec à ce moment-là aussi la première conférence des Nations Unies sur l'environnement humain à Stockholm. Donc, il commence à y avoir un déplacement des plaques tectoniques. Il y a une réflexion qui Absolument. Est engagée. Et c'est d'ailleurs ce qui va donner naissance au programme des Nations Unies pour l'environnement et ensuite à tout le premier sommet de Rio en 92. Donc, on peut dire que c'est les premières graines qui ont été semées à cet égard-là. Et dans ce contexte, donc, est publié ce fameux rapport Meadows. On écoute à nouveau Fernand Seguin en discussion avec Colette Develin à l'émission « La science et vous » en 1972. La seule solution que Meadows entrevoit... Parce qu'il en voit une. Bien, la seule solution qu'il voit, c'est de mettre un terme à l'accroissement de la population, à l'accroissement des sources de nourriture et surtout à l'accroissement de l'industrialisation. Il faudrait que presque tout ça se fasse en même temps. Il faudrait, toujours d'après des courbes, mais encore une fois, ça c'est des courbes, c'est relatif, il faudrait que tout ça commence au moins en 1975, mm-hmm. de façon qu'on arrive au bout d'une cinquantaine d'années à une situation assez stable où il y aurait une quantité à peu près constante de nourriture pour une quantité à peu près constante de gens et pour une croissance économique qui serait aussi à peu près stabilisée. Alors, c'est toute l'idée du progrès qu'il faudrait remettre en question. Et personnellement, je ne pense pas que ça soit remis en question par ceux qui précisément s'enrichissent avec la croissance économique. Fernand Seguin a bien raison. On le sait maintenant de douter du fait qu'on se plie, entre guillemets, aux demandes de Meadows. Le grand message, qu'est-ce que c'est du rapport Meadows, Laure Varidel? c'est de tenir compte des limites des écosystèmes, la limite de la capacité de répondre aux besoins humains. Et c'est réfléchir à des moyens pour restreindre l'augmentation de la population, restreindre l'augmentation de l'industrialisation aussi, pour faire en sorte que les gens qui vivent puissent vivre correctement aussi. Limiter la croissance, c'est vraiment ça à tous les niveaux. Comment on en arrive à ce constat très important, à cette petite idée révolutionnaire? Parlez-moi un petit peu de la méthodologie. Vous nous disiez que c'est les chercheurs du MIT qui vont préparer ce rapport-là. Comment ils en arrivent à ces conclusions-là? Ce qui est vraiment novateur dans ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en relation différentes tendances. En fait, 5 grandes tendances. Donc, l'augmentation de la population, l'augmentation de l'industrialisation, puis quelque part un peu la croissance économique qu'on voit vraiment surtout en Occident. Des enjeux de malnutrition qui est une tendance de l'époque vraiment très, très, très importante, dans un contexte où, parallèlement, il y a une réduction, une diminution des ressources naturelles non renouvelables. Donc, on craint même l'effondrement de certains métaux, certains matériaux dans un horizon de 100 ans et autres. Et évidemment, plus globalement, la dégradation de l'environnement, donc l'augmentation de la pollution. Donc, on crée un modèle mathématique avec l'informatique, notamment, qui est en plein développement. Donc, il ne disposait pas de toutes les méthodes et de toute la technologie dont on dispose aujourd'hui, parce qu'on a pu vraiment raffiner cette manière de calculer, de mettre en relation différentes variables. Mais c'est un peu la première fois qu'on voit, comment est-ce que, par exemple, avec une augmentation de la population, il y a une augmentation de la pression sur les ressources alimentaires? Comment est-ce qu'il y a une augmentation aussi de l'industrialisation et comment, à ce moment-là, augmentation de la pollution? Donc, tout ça est mis dans un rapport où on voit que les éléments s'imbriquent les uns dans les autres. Donc, un système de projection qui mène à ce message, ça ne peut plus continuer, la croissance n'est pas illimitée. Dans quelle mesure, cela dit, c'est... Fernand Séguin l'évoque un peu, c'est délicat, ce jeu de projection, de prévision. Dans quelle mesure les prévisions du rapport Meadows vont finalement s'avérer juste ou pas, justement? On en parle dans un instant, mais on écoute d'abord un extrait de l'émission Présent du 7 février 1972, dans lequel Jean Paré et Gilles Courtemanche présentent justement certaines prévisions du rapport Meadows. Si on regarde les titres des chapitres, c'est un peu effrayant, Jean Paré. On en est arrivé à la conclusion que les richesses naturelles diminuant et l'augmentation de la population et de la pollution étant croissante, c'est la catastrophe absolument inévitable si rien ne change toujours dans 40 ans. Et on a même constaté qu'aux États-Unis, par exemple, la qualité de vie a commencé depuis une dizaine d'années à baisser considérablement. Jean Paré, vous parlez de diminution des richesses naturelles. Or, au Canada et au Québec en particulier, nous avons l'habitude de penser aux richesses naturelles en termes d'abondance et de richesses absolument inépuisables. Le fait que c'est que la population, elle double dans le monde tous les 30 ans. Il y a actuellement 4 milliards d'habitants. Il y en aura dans 30 ans 8 milliards. En 2030, 16. En 2060, 32 milliards d'habitants et qui tous prétendent à un niveau de vie beaucoup plus élevé. Pendant ce temps-là, les ressources, elles, dont l'exploitation n'a vraiment commencé qu'il y a une cinquantaine d'années, elles diminuent. Il reste du mercure sur la Terre pour 13 ans. C'est une source de pollution de moins, vous direz. Il reste de l'or pour 9 ans. Une source de chicane de moins. Il reste de l'argent, mais ça, c'est très important du point de vue technologique, pour 13 ans. Du fer pour 93 ans, c'est le matériau le plus abondant que l'on connaisse. Du plomb, du cuivre, du zinc pour environ 20 ans. Et surtout, ce qui est plus grave, du gaz et du pétrole pour environ 20 ans. Or, ça, ce sont nos sources d'énergie, nos sources de plastique aussi, il faut le dire. Bon, c'est intéressant cet extrait, alors, Varidel, parce qu'évidemment, avec le recul, on peut dire, avec ce qu'on vient d'entendre, que certaines prévisions étaient justes, certaines l'étaient moins, dans ce que contenait le rapport Meadows. Dans l'ensemble, dans quelle mesure Meadows avait vu juste ou pas? Je dirais qu'ils ont vu juste surtout sur les grandes tendances au niveau de la population, des ressources et de la pollution. Et à certains égards, ils ont sous-estimé différents aspects, je dirais, liés à la dégradation de l'environnement et à l'augmentation de la pollution. Par contre, pour ce qui était de vraiment calculer notre rapport à certaines matières, que ce soit le mercure, le gaz et tout ça, bien depuis, évidemment, on a découvert des nouveaux gisements, on a développé des nouvelles technologies qui permettent d'aller chercher, par exemple, du pétrole où on n'arrivait pas à en trouver par le passé. Donc ça, il l'avait évidemment pas prévu. Mais en même temps, ils font une mise en garde au début du rapport original en disant « Notre intention, c'est pas de mesurer avec précision ce qui va arriver dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans 50 ans, mais plutôt de voir comment, si on continue à agir comme on le fait, vers où on s'en va. » Donc, je dirais que sur les grandes tendances, ils avaient tout à fait raison. Et plusieurs années plus tard, certains des chercheurs ont fait une mise à jour et ils confirment finalement la plupart des tendances en disant « Mais plus que jamais, là, on n'a pas été capable de prendre le virage, de mener à bien la transition qui était nécessaire. Là, il nous reste très, très peu de temps. » Et à certains égards, maintenant, il y a des espèces qui ont disparu. On le voit avec les changements climatiques, le risque d'emballement est de plus en plus probant. Donc, c'est très clair. Oui. Comment c'est reçu, ce rapport-là? Ça, je suis très curieux de vous entendre parce qu'on s'attaque au cœur d'une pensée, d'un système de pensée. Halte à la croissance, c'est reçu comment le rapport quand il est publié en 72? Bon, bien des gens le rejettent, hein? On s'y attend. Beaucoup d'industriels, même si à l'origine il y a des industriels derrière le rapport et les recherches qui ont été nécessaires, on voit à quel point l'humanité est pris dans ses propres biais cognitifs, hein? Parce que le modèle dominant, évidemment, sert à une élite, certainement, mais aussi globalement à la population mondiale. On le voit, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont améliorées au cours des dernières décennies. Ça, il faut le reconnaître. Mais en même temps, il y a énormément de choses qui se sont détériorées pour lesquelles on va subir les conséquences. On commence à subir les conséquences maintenant, mais ça sera surtout les prochaines générations. Et ça, c'est mieux documenté maintenant que ça l'était par le passé. Donc, il y a une résistance à ce changement-là, comme il y a une résistance à tout changement. Les humains, on le voit dans nos vies individuelles comme dans nos sociétés, que ce soit pour... même quand on sait que c'est des changements qui vont nous amener vers le mieux, par exemple, changer notre alimentation pour qu'elle soit plus saine, bien, c'est pas facile. Faire plus d'exercice, même si ça nous fait du bien, c'est pas nécessairement facile. Donc, tous ces changements-là que l'on doit faire à l'échelle de la société et de la planète, c'est un défi qui est considérable parce que ça demande de revoir notre manière de penser le monde, notre rapport à l'environnement, notre rapport les uns aux autres. Et ça, c'est fondamental parce que c'est ce changement de la vision du monde qui va percoler dans un ensemble de choix individuels et collectifs qu'on fait tous les jours. Le Club de Rome aujourd'hui, on termine là-dessus un petit mot sur ce qu'il devient en précisant tout de suite qu'ils se sont un peu mis au goût du jour aussi parce que halte à la croissance, ça tourne maintenant pour le Club de Rome aussi beaucoup autour de l'urgence climatique. Oui, tout à fait. Mais ils continuent à parler de la nécessité de protéger la biodiversité, de protéger les océans et tout. D'ailleurs, si vous allez sur leur site web, il y a énormément de rapports très, très pertinents, dont le tout récent, en fait, qui est plus leur plan d'urgence climatique, qui met de l'avant un ensemble de mesures qu'ils préconisent à l'échelle de la planète, mais qui doivent être prises localement aussi pour en venir vraiment à respecter les limites planétaires en matière de climat, mais aussi plus globalement. Laure Varidel, c'était un bonheur de vous recevoir, éco-sociologue, professeure associée à l'Université du Québec à Montréal, autrice du livre « La transition, c'est maintenant ». Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Ariane Cipriani, recherche d'archives Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.